Ouais, c'est Dada. Featuring avec Steve. Dream Team du Bouche, attention. ouais. Avec les mouches. Il y a un trop de mouches là. Alors là, parlez anglish. Tu en parles de quoi? Parlez l'anglish. De quoi? C'est pas de la quiche. Anglish. Come back sur un beat de rap. C'est Steve et Dada, ce sera australien. Entre les snacks, les koalas. Causer l'anglais, vu comme ça, ça a l'air facile. Je te dis pas la galère, c'est. Il y a bien pas si longtemps, chantait l'anglais en yaourt. Le MP3 sur les tapants en mode totalement rien à foutre. Anglais, élevé à un collège, lycée. Une moyenne de 15 sur 20, je me reposais sur mes lauriers. Je voyage à l'étranger, la désillusion. L'anglais est taché, je tiens aucune conversation. L'accent Frenchy de mes deux des nanas trouve ça sexy. J'ai plus de l'air d'un pouzeux qui sort de la poche. Allez comme au CP, faut tout recommencer. Si tu veux balancer quelque chose de sensé. Vocabulaire, un pestac, un crocodile. Conjugaison, je tue, elle ou I. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. L'anglish, on a beau dire j'emmerde les quiches. J'ai des 18 ans d'école, comment tu fais? Je triche. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. Hang on, are you alright? Get on the fucking web, let's get it all over there. De quoi il parle? Je peux dire qu'en quittant la France, c'était pas gagné d'avance. Hein? Bah ouais, bien sûr, enfin je pense que oui. Double, triple, quadruple, y'a rien à faire au coup, j'étais dans le faux. D'abord y'avait mon accent, et puis des mots basiques que j'avais jamais vu avant. C'était la honte avec un H en grand. La barre en pleine tête, je remets les idées. En placer mon ego en deux semaines, c'est mieux. Australie, ce n'est pas ce que tu crois. T'as beau parler anglais, ici l'anglais n'est pas la langue, crois-moi. C'est comme le ch'ti, ça fait qu'au final on est des grosses bouses. Et j'en ai plein la tête, j'ai de la terre rouge à la semelle des baskets. Dès que je sors, y'a des mouches qui m'attendent et qui m'embêtent. En moi, je sais que j'ai du self-control. On a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. L'anglish, on a beau dire j'emmerde les quiches. J'ai des 18 ans d'école, comment tu fais? Je triche. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. Hang on, are you alright? Get on the fucking web, let's get it all over there. De quoi il parle? Tu perds. Alors toute ta crédibilité. T'as l'air encore plus débile que tu l'étais. Mais je suis pas débile moi. Mais si t'es con, cherche pas. Oh ouais. Speak English very well hein. Study at school, very long time. Bah mate les résultats. C'est plus clair quand tu demandes ton chemin à la dame. Bah, elle me répond pas. Pourquoi? Dans son beat là. Ce beat que je cherche à combler. Yeah. Au fin fond de la brousse, avec notre décollard rousse, on s'en sortira. Peu importe l'anglais qu'on a. Au fin fond de la brousse, avec notre décollard rousse, on s'en sortira. Peu importe l'anglais qu'on a. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. L'anglish, on a beau dire j'emmerde les quiches. J'ai des 18 ans d'école, comment tu fais? Je triche. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. Hang on, are you alright? Get on the fucking web, let's get it all over there. De quoi il parle? L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. L'anglish, on a beau dire j'emmerde les quiches. J'ai des 18 ans d'école, comment tu fais? Je triche. L'anglish, on a beau dire c'est pas de la quiche. Quand tu débarques chez les Aussies ou les roses pif. Hang on, are you alright? Get on the fucking web, let's get it all over there. De quoi il parle? Les pigeons. Et puis de la schneck.